temps que j'ai passé avec toi. Je me rappelle quand tu me disais je peux plus me passer de toi. À côté, côté, moi j'attendais. Je voyais grand, je voyais loin quand j'étais avec toi. J'avais ses yeux qui brillaient mais tu ne les voyais pas. Comme cette petite fille rêvant d'accomplir ses rêves les plus beaux. Porte le dîner pas.